Draw the circle, draw something out of its shell. And if you saw me like this, would you never tell? Can you feel the white wind tugging at your arm? And the noiseless crumple. There is this thing going on. What is called the news? I'm brought to you live. Mm-hmm. Bonjour et bienvenue sur cette édition d'En Profondeur, une émission de nouvelles militantes à la radio CKUT 90.3 à Montréal. Nous sommes le lundi 7 novembre et il est 17h, je m'appelle Chloé et actuellement je suis en compagnie de Justine Lesage. Merci beaucoup d'être venue dans les studios pour une émission un petit peu différente du format dont on fait d'habitude et on va avoir plus une discussion thématique. Sur la relation entre les médias, l'environnement et aussi les crises humanitaires. Donc beaucoup de choses très intéressantes. Et donc ça va être tout ça dans un instant sur En Profondeur aux ondes CKUT 90.3 FM. On vous invite à nous suivre sur Facebook et Twitter à CKUT News. Donc bonjour Justine. Bonjour. C'est un plaisir donc de vous avoir ou de t'avoir plutôt dans les studios. Merci de t'être déplacée et donc aujourd'hui le sujet dont on va parler c'est le fait que les gens se tournent automatiquement vers les médias pour recevoir de l'information et surtout en vue de la complexité de certains enjeux environnementaux et politiques gouvernementales qui ont donc un rapport avec les crises environnementales tout ça et et parfois, c'est pas toujours évident de savoir est-ce que les médias sont les mieux placés pour traiter cette information. Et donc voilà, Justine Lesage, donc, pour faire une petite présentation rapide, donc, vous êtes coordinatrice aux communications et relations publiques chez Oxfam Québec. Et vous travaillez en coopération internationale et aide humanitaire depuis septembre 2012, donc depuis un petit bout, avec Oxfam Québec. Septembre 2002. Oh, pardon, 2002, oui, j'ai mal lu ma feuille. Il y a 10 ans. C'est avec toutes les flèches qui partent dans tous les sens et les boutons, ça joue avec ma capacité de concentration. Oui, donc depuis vraiment un petit bout encore plus. Et donc, vous chargez entre autres des relations de presse entre les lieux de crise, donc plus particulièrement Haïti, le camp de Zaatari, Jordanie. Et aussi, vous traitez les grands événements internationaux. Donc aujourd'hui, moi, je vous ai invité, pas comme en tant qu'experte des médias environnementaux, mais plutôt comme personne qui est dans une situation privilégiée de capacité à recevoir de l'information des zones de crise socio-environnementale. Et aussi à avoir cette double posture, cette dualité entre être aussi dans des pays où il y a peut-être moins de crises imminentes et d'avoir un peu cette distance de réflexion. Voilà, ça va pas être une discussion très très technique sur avec des tonnes de statistiques, mais plutôt pour avoir votre opinion. Et puis voilà, je vous ai entendu parler à un événement la semaine dernière, c'était très passionnant. Du coup, je voulais partager ça aussi. Merci. Voilà, donc pour parler de sujet, en ce moment, on voit qu'il y a vraiment un problème de sous-couverture médiatique, des problèmes et des crises environnementales. Et j'ai lu un article qui s'appelle « The Sound of Silence », qui était assez intéressant et qui disait que la famille Kardashian recevait 50 fois plus de coverage dans les médias que l'acidification des océans. Donc, on se retrouve dans une situation où les médias jouent pas vraiment leur rôle dans le traitement de l'information de l'environnement. Et pour donner un petit peu des statistiques, en 2015, au Québec, les nouvelles environnementales formaient seulement 1% du total de l'information. Et en comparaison, la cuisine compte plus de 5% du poids médiatique. Donc c'est assez paradoxal parce que l'environnement nous touche probablement plus que du pesto ou des sandwichs. Et un des éléments que je voulais parler avec vous, c'était vraiment l'idée de la temporalité des médias. Et à quel point, en fait, une des caractéristiques du traitement de l'information dans les médias, c'est le fait que c'est tout dans l'instant, le moment, c'est le flash info. Il faut vraiment être à la dernière minute. Et vous, comment est-ce que vous vivez dans votre travail le fait que les médias doivent traiter du moment de la crise environnementale ou humanitaire, mais ont un peu du mal à traiter tout ce qui s'ensuit? Ben justement, c'est le grand paradoxe. Puis là, mais ce qu'il y a, c'est que la question est multiple, parce que quand on parle des médias, puis de plus en plus là, c'est extrêmement multiple. Quand nos parents écoutaient la télé, là, tout le monde se réunissait devant le téléjournal et puis tout le monde écoutait le téléjournal à la même heure, etc. Puis c'était comme la source d'info. Fait que pour faire passer ton info, fallait passer au téléjournal. Puis là, tu étais sûr que tu couvrais. Mais c'est plus la réalité maintenant. Peut-être encore dans une certaine génération, mais génération X, les milléniums qui arrivent, sont de plus en plus éclatés dans leurs sources d'information. Donc, le téléjournal ne rejoint plus la plus grosse portion de la population. Donc, il y a de la radio, il y a de la télé, il y a du web, ils vont chercher partout. Même pour la télé, ils l'écoutent plus en direct, on l'écoute sur nos téléphones, on l'écoute dans le métro, on l'écoute un peu partout. Donc, ça éclate, ça devient très complexe. Et là, effectivement, il y a de plus en plus de compétition là-dedans aussi. Donc, il y a une recherche. Faut aller chercher le public. Faut attirer les gens vers nous, etc. Donc on se retrouve avec une espèce de course accélérée. Et effectivement, il y a une réalité qui est très très québécoise aussi, qui est vraiment une espèce de concentration des nouvelles sur les questions principalement de sport. On parlait de l'environnement, mais les questions internationales aussi, globalement, représentent toujours. On oscille généralement année après année entre 0,6 et 0,9% de l'information pour l'international. Là, ça c'est large. Et quand on prend ce pourcentage-là, on parle des attentats à Paris, on parle des élections américaines. Ça, c'est l'international. Hein. Là, on en entend parler ad nauseam, mais ça va faire partie de ce 1% de l'info. Tu sais, quand on s'est fait écœurer par la naissance des bébés royaux en Angleterre, là, c'était de l'information internationale. Donc, y a de tout et n'importe quoi. Fait qu'en plus, quand tu essayes là-dedans de faire parler de l'impact des changements climatiques sur la population au Bangladesh, inutile de dire qu'on se retrouve vraiment bien loin dans l'intérêt des journalistes. Donc on est pris un peu dans cette espèce de truc là, et pourtant, tu sais, on se fait répondre souvent par les médias, ouais, mais les médias, dans le fond, on a les médias qu'on mérite. Tu sais, les médias reflètent l'intérêt de la population. Sauf que quand on regarde des sondages, quand on regarde les centres d'intérêt, tu sais, nouvelle génération, les milléniums encore plus, la question de l'international est super importante pour eux, la question environnementale est super importante pour eux. Donc non, on n'a pas les médias qu'on mérite. Je pense qu'on a malheureusement des médias en ce moment qui sont très assujettis à une logique extrêmement commerciale, et d'où le fait que on est dans l'urgence. Donc là, c'est extrêmement rapide, et il faut attirer, faut être sensationnel, faut flasher plus que les autres. Donc oui, on se retrouve à couvrir des crises. Quand est-ce qu'on va parler de changement climatique? On va en parler quand il y a un impact. T'es gros et sur lequel on a des images, tu sais, les images, ça marque. Parce qu'en ce moment, là, on a une des plus grosses crises humanitaires à travers le monde avec les impacts d'El Niño, là, sur des dizaines de pays un peu partout en Afrique, en Amérique latine et tout ça. Ça crée une crise alimentaire absolument incroyable. Mais on n'a pas d'image. On peut pas dire, ah, ben, regarde, boum, ça a frappé avant-hier, puis là, les gens sont en train de mourir. Non. Ça se prépare depuis un an. Puis ça s'étale en longueur. Puis les impacts, on les voit, là, puis jour après jour. Mais ça, là, c'est pas facile d'aller faire une image, un clip de 30 secondes pour dire ça. Fait qu'on préfère pas en parler. On n'en parle pas. Donc, si on n'en parle pas, ça existe pas. Donc, puis tu sais, ça, c'est des crises pourtant. Mais même ces crises-là, on n'en parle pas. Alors, tu sais, quand l'ouragan Matthews a frappé en Haïti, ça fait des belles images. Puis ça, on en parle, et encore, on n'en a pas parlé tant que ça, quand tu regardes la couverture. Fait que là, on parle de la crise, mais si tu veux, toi, essayer de passer ton message en disant, ouais, mais regarde, le travail qu'on fait, là, c'est pas juste d'arriver au moment où il y a une crise pour aider les gens, mais l'important, c'est de travailler en amont, c'est de préparer les populations, de la résilience, se préparer au changement climatique, sans compter le fait de changer de comportement pour changer les choses globalement. Mais tu sais, tout ça, c'est du long terme. Et le long terme, ça n'intéresse pas les grands médias. Donc, il faut se tourner vers les médias alternatifs. Et c'est intéressant que tu parles de long terme, parce que c'est vraiment une des problématiques auxquelles les organismes humanitaires comme l'Oxfam font face. C'est que quand il y a une crise qui se passe, c'est là le moment où il y a tout le media coverage, que tout le monde donne leur argent, et puis il y a toute l'attention. Mais après, tous les enjeux vraiment de profondeur environnementaux et humains, ils commencent à à peine à sortir à partir de ce moment-là, et c'est comme une espèce de grande boule qui s'agrandit avec les problèmes, par exemple là pour Matthew. C'est à partir de maintenant qu'il y a ces problèmes de contamination d'eau, de choléra, ouais. de tout ça. Alors, comment est-ce qu'au sein de l'Oxfam, vous le ressentez, cette couverture médiatique qui s'amoindrit en même temps que les problèmes augmentent? Malheureusement, nous, faut jouer avec les règles du jeu telles qu'elles sont là actuellement, parce que on pourrait pas se dire là nous on n'est pas d'accord avec la façon dont ils couvrent, donc on va pas jouer avec ces règles du jeu là, puis on va jouer un autre jeu dans notre coin. Sauf que si tu joues pas avec les règles du jeu, tu joues tout seul, donc on est obligé un petit peu de s'inscrire là-dedans. Quand on se retrouve sous les feux des nouvelles avec une crise comme l'ouragan Matthew, faut essayer de profiter des petites opportunités qu'on peut avoir avec cette fenêtre là pour placer d'autres messages, pour dire que dans l'urgence c'est important de parler d'érosion des sols, c'est important de parler du long terme. Là il y avait l'impact direct, boum, mais essayer de commencer à sensibiliser en expliquant que le problème il va être dans 6 mois quand on va réaliser que toutes les semences ont été foutus en l'air, que les cultures dans les champs ont été bousillées, puis qu'il n'y aura pas de récolte dans les prochains mois, c'est dans 6 mois qu'on va avoir une grosse crise alimentaire. Mais là, il n'y aura plus de caméras, là, il n'y aura plus personne. Fait qu'on essaye d'en parler à ce moment-là, mais en sachant très bien qu'il va y avoir un gros travail pour nous à faire après. Et malheureusement, ce travail-là, il est beaucoup plus compliqué à faire parce que ça se fait une personne à la fois. Et là, il faut qu'on aille voir dans des médias plus alternatifs sur le web, il faut qu'on passe par nos réseaux sociaux, il faut qu'on aille s'adresser à des sympathisants. Mais c'est difficile de sensibiliser des gens qui sont pas déjà à nos côtés, d'aller attirer un public qui, a priori, connaît pas du tout la situation et s'intéresse pas à l'international. C'est là qu'il y a un problème après, puis qu'on n'arrive plus à les rejoindre en dehors de la crise. Parce que ceux qu'on arrive à sensibiliser, c'est des gens qui, naturellement, malheureusement, ont déjà une tendance à aller chercher ces nouvelles-là. Donc on est pris entre les deux. Donc, c'est ça. C'est essayer de profiter de ces petits moments-là. Mais c'est pas évident, hein. Des fois, t'as 30 secondes. Hein. Quand tu te retrouves en radio maintenant, même en pleine crise, si t'as 1 minute et demie, là, c'est gros, c'est beaucoup. Et on te pose toujours les mêmes questions, là, qu'est-ce que vous faites là, puis c'est quoi le nombre de... Puis on veut savoir là, tout de suite. C'est difficile à ce moment-là d'expliquer qu'il faut que tu fasses ton intervention dans une perspective d'égalité entre les hommes et les femmes, que tu penses violence faite aux femmes, que tu penses impact écologique, que tu penses... C'est très difficile de le passer en 1 minute, 1 minute 30. Et justement, si toi, t'avais 1 minute, 1 minute 30 avec un grand décideur ou le chef des médias, on va imaginer qu'il y a un chef des médias, qu'est-ce que ce serait... le message que tu essaierais de lui passer pour une piste de réflexion, à dire comment est-ce qu'on pourrait changer les choses pour avoir une meilleure couverture des crises environnementales, plus sortir de cette sensationnalisation. Je les encouragerais à revenir à des choix, de laisser plus de place à l'international et à l'environnement. Il y a quelques signes en ce moment qui nous font croire que on s'en va vers ça quand même. Il y a quand même quelques orientations. Le Devoir, là, on apprenait justement la semaine dernière que avec la nouvelle direction, ils ont décidé là de donner plus de place. Il y a des salles de rédaction parmi les gros médias là qui sont en train là de mettre en place des mesures pour renverser ça. Mais c'est pas juste de laisser plus de place. Je pense que le truc qui est super important là-dedans aussi, c'est d'avoir des journalistes dédiés à une problématique. Il y en a de moins en moins. On a coupé en premier dans ces questions-là. Fait que maintenant, avoir un journaliste qui est spécialisé à l'international, il y en a quelques-uns à la presse, quelques-uns à Radio-Canada, mais regardez, ils ont coupé l'Afrique. Il n'y a plus de couverture de l'Afrique à Radio-Canada. Il y en a, ils utilisent des pigistes sur place, ils vont faire un envoyé spécial, mais il n'y a plus... Avant, il y avait un envoyé permanent qui couvrait l'Afrique. Déjà, une personne pour couvrir l'Afrique, on s'entend que c'est vraiment pas grand-chose. Mais là, il n'y en a même plus. Donc là, tu sais, d'avoir quelques personnes désignées à l'international, parce que ces personnes-là sont là-dedans, mais c'est pareil pour les questions environnementales. Avoir un spécialiste des questions environnementales, ça permettrait de pas recommencer à chaque fois. Parce que le problème qu'on a actuellement, c'est que même si on laisse un peu plus de place à ces questions-là dans les pages d'un journal, tant qu'on ne désignera pas des journalistes responsables de ces questions-là, on va continuer avec ce qui se fait maintenant. C'est-à-dire que c'est des journalistes fourre-tout. Puis ça peut paraître négatif, ça ne l'est pas forcément, mais c'est juste des gens qui couvrent plusieurs thématiques, mais qui vont se retrouver un jour à couvrir l'actualité à l'hôtel de ville. Le lendemain, ils vont aller faire la crise de l'eau qu'on doit faire bouillir à Longueuil. Et le lendemain, on va leur demander de parler de la crise du lac Tchad. Donc, forcément, ces gens-là, ben, le matin, quand ils vont recevoir leur assignation, il faut qu'ils deviennent des experts de la question en 3-4 heures et qu'ils trouvent des personnes ressources. Ben, ça peut pas fonctionner dans l'information subtile quand tu fonctionnes comme ça. Tu te retrouves avec du factuel. Ça peut être du très bon factuel. Il y a des très bons journalistes qui font ça. Et on va avoir une information correct pour savoir qu'est-ce qui se passe, mais on n'a pas une information en profondeur. On manque de subtilité, on manque de nuances, parce que ces nuances-là, elles arrivent quand le journaliste est capable de se spécialiser. À partir du moment où on peut avoir un François Cardinal qui ne fait que ça, à partir du moment où on a un Étienne Leblanc à Radio-Canada qui ne faisait que de l'environnemental. Il les connaît, les subtilités. Il connaît les personnes ressources. Il a lu les études. Il a lu toutes les... Il connaît les courants de pensée dans le milieu. Il sait comment ça évolue. Puis il a une perspective historique. Mais ça, là, il n'y en a quasiment plus. Et moi, fondamentalement, c'est ça qui manque. Mmh. Et tu parlais là de nuances. Et ça m'amène à penser à quelque chose d'autre. Parce qu'on a parlé de la quantité d'informations et de traitement des crises environnementales et humanitaires. Mais il y a aussi comment est-ce qu'on traite cette information. Et il y a une nouvelle tendance que j'ai surtout pu voir dans les réseaux sociaux et puis les articles un peu flash qui pop comme ça. C'est une tendance à essayer de pas avoir un regard très négatif sur le traitement de l'information environnementale et essayer de donner un petit aspect sexy, croquant et puis très positif. Et c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup de discussions, j'ai l'impression, et les gens s'accordent pas sur est-ce que c'est une manière de traiter l'information environnementale qui est positive, parce que ça permet aux gens de justement d'y faire attention et pas être tout le temps déprimé par ce qui se passe, que la couche d'ozone craque depuis et qu'on sait pas quoi faire, ou bien alors est-ce que c'est un moyen de transformer tout ça en talk show drôle et que les gens prennent plus le temps de réaliser le drame. Et je me demande ce que t'en penses. Moi, je pense que c'est toujours une question de balance et d'équilibre. Hein. Mais c'est sûr que, nous, on travaille pas spécifiquement en environnemental, mais au niveau des crises humanitaires, chez nous, c'est assez flagrant. Puis il y a des choix qui se font. Oxfam, nous, on a choisi d'avoir un discours qui soit pas misérabiliste et qui soit pas de victimisation. Parce que ça, il n'en va pas juste de la question elle-même, mais il en va des populations avec lesquelles on travaille. Et nous, on a un devoir, on a une responsabilité de lutter contre les mythes qui entourent la couverture et de faire en sorte que on voit pas les populations d'Afrique comme étant juste des victimes en attente d'aide. C'est très drôle, il y avait justement, on est dans les Journées québécoises de la solidarité internationale et l'humoriste Fred Dubé a fait un clip pour nous, pour l'ensemble des ONG, avec une des phrases qui est très marquante où il dit « On nous présente l'Afrique comme étant pauvre et qu'on va aider, alors qu'en réalité, l'Afrique est riche et on les vole. » Et c'est vraiment la nuance qui est là-dedans. On ne veut pas montrer des victimes. Il y en a partout. Il y en a ici. Mais on travaille avec des gens qui ont une force d'action là-bas. Donc, il y a un respect pour ces populations-là, mais il y a un respect aussi des gens ici qui veulent s'engager et qui veulent changer les choses. Si on est juste dans le négatif extrême et qu'on dépeint des situations catastrophiques, il n'y a pas d'espoir. Et la pédagogie de l'espoir, elle est extrêmement importante. Parce que moi, si tu m'expliques un problème monumental et qu'il n'y a aucune solution en bout de ligne, mais tu veux quoi de moi? Qu'est-ce que t'attends? Je veux dire, je vois pas pourquoi je ferais un effort. Je vois pas pourquoi je vais payer deux fois plus cher ma voiture pour en avoir une électrique si tu me dis que de toute façon, dans 5 ans, c'est foutu. Et qu'on peut pas retourner en arrière. Je veux dire, je le verrai plus. Ben, je parle au jeu. Oui, moi, je continue à y croire, là, mais je veux dire, c'est flagrant. Je veux dire, à force de pas donner d'espoir, il y en a pas de solution. Donc, pourquoi on irait plus loin? Il faut toujours, à chaque fois qu'on fait de la sensibilisation, faut donner une porte de sortie, faut donner une piste d'action en arrière. Mais faut surtout penser à ça, parce que la plupart du temps, on dépend des situations plus ou moins catastrophiques, on les rend plus ou moins sexy. Mais si à la fin, on te donne pas une potentielle solution ou un endroit, une piste d'action vers où aller, ben les gens sont quand même en demande de ça et ils ont besoin. Ben, je te remercie en tout cas, Justine, pour nous avoir donné ton avis et puis ta perspective très spécifique et intéressante. Et puis ce sera tout pour cette partie. Merci beaucoup. Et dans une minute, on va passer sur une interview de quelqu'un qui a une perspective différente sur les médias. Hi, this is Professor Sandy Perlman of the Schulich School of Music. Producer of The Clash and the Blue Oyster Cult, and let's not forget the awesome Dictators. I am the person portrayed by Christopher Walken in the Saturday Night Live Cowbell skit, and you are listening to 90.3 CKUT Montreal. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu la chance d'interviewer Monsieur Greg Horn, qui est éditeur et publiciste au journal Kaniwake de Iori Wase, et qui nous donne sa perception personnelle de comment est-ce que les médias aborigènes portray les nouvelles environnementales. Donc, tout ça dans une seconde. And I'm the editor publisher of Iori Wase, kaniwakenews.com. Thank you so much. So I'll get straight into it so I don't waste your time. Okay. So I've read a bit of your newspaper, and mm-hmm. It seems that environmental news are really important. So could you tell me, compared to mainstream media, how environmental issue coverage in your community media is important? Well, I think in our community, the issues of the environment are, you know, they might get a little bit more attention because, you know, those are things that our community sees important. You know, last year, we had, dozens of people protesting against Montreal's planned sewage dump into the river. Even though the dump was downstream from Ganawagi, people felt that it was very important to stand up against that because it was something that could, have some very hazardous effects onto the water and the ecosystem. And then, this year, there's the same group of people and even more, getting together and protesting and demonstrating against, the planned Dakota Access Pipeline in Standing Rock, North and South Dakota, because that reservation spans both states. We have people that are that have gone there, and it's something that's really important, because the water, water quality, water light, water is life. That's the slogan that, that's really going around now with Standing Rock, and that's something that that it doesn't just affect Native people. It affects everybody. If you don't have clean drinking water, then you're not gonna live very long. So if it affects everyone the same, how can you explain that this issue, the Dakota Pipeline, was the first page of your newspaper? And if you look at Le Devoir or other papers like this, it just wasn't. What's the difference? Well, in daily newspapers, in daily mainstream newspapers, it's very different. There's things that are happening in Montreal that seem to be more important to whatever the decision makers are at other newspapers. Here, this community, really stood up and said that we're not gonna, you know, we're gonna support the our brothers and sisters of the Sioux Nation, and show them that we're going to support them, because of that, that's why we had decided that it was going to be the front page of the newspaper this week. It's a very important, because it is an important issue, and it's about raising awareness, and if we're not raising the awareness to the people that are in the neighboring communities, then how is that message going to get out? And then if all the Native communities in North America that have media outlets are covering this and it's getting out to the mainstream media, then the mainstream media is going to be informed about it, and then that's when the mainstream media is going to start covering it. And it's gotten to that point now where the mainstream media is covering it. Maybe it's not front page news, but it's getting there. It's getting the coverage. You have people like Mark Ruffalo who went to Standing Rock 2 weeks ago. Reverend Jesse Jackson was there at the same time. If you look at the Washington Post last night, they posted an article saying that Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Samuel L. Jackson, and Chris Evans have all banded together, the stars of the Avengers banded together to stand up against Standing Rock and are urging people to sign a petition to get Barack Obama to stop the construction. So it's things like that that, it starts at a grassroots level and it moves on up. And I think that as a community media outlet and community journalist, that's what our role is. Our role is to help spread awareness and help the mainstream media get on the same page as us. And that's a wonderful mission, and thank you for that. And so you're talking about the amount of coverage, but there's also the issue of how those environmental crises are covered. And I was wondering if you had an opinion, or in your personal life, how do you experience the way that the mass media in Quebec represent Indigenous victims of environmental crisis, but also the protestants? Well, I think that there's the way that the mainstream media covers things. I can't really talk about how French media covers Indigenous issues because I don't speak French. Sometimes it seems like the way media in general covers these issues. The people in Standing Rock are calling themselves water protectors. They're not calling themselves, they're not protesters, they're not demonstrators, they're not, they're there to protect the water. And, because the Missouri River and the Cannonball River are the sources of drinking water for millions of people downriver from them. And, what the media is calling them is they're calling them demonstrators, they're calling them protesters. It's all about language and how you describe something. And if you're using a word that could be seen as derogatory or inflammatory and is not the word that the people themselves are using, then you're doing them a disservice. You're painting them with a different brush than what they're saying they are. So if the media is calling them demonstrators and protesters and this and that, that's completely different than if they're referring to them as water protectors, because they're there to, because it has a completely different connotation. For sure. And sorry, I just used the word protesters too, so I'm just perpetuating but that's part of the lexicon, right? When somebody's standing up against something, they're protesting. And they might, in this instance, these people are protesting, but in how they're protesting is that and what they're protesting for is to protect the water. So they're being protectors. Yeah, for sure. And yeah. I have one final question. Thank you so much for your time. A lot of environmental issues are not just happening on a local level, and are more globalized and international. And how do you feel as a local community newspaper covering this more international environmental issue? Is that something that you don't really feel comfortable with because it doesn't affect your people directly, or do you feel like it's still important? Well, I mean, everything is important when it comes to the environment, you know, because it's about the legacy of what, you know, we as a people are leaving our children. And if we're not standing up and covering things and getting it out there, then and informing people, then we're not doing our jobs. So, you know, and you know, things like this, like Standing Rock, you know, it's a 33-hour drive away from Gunawaga, but we still have people who have gone there. We still have people here showing support. You know, it might seem like it's not our problem, but you know, it is our problem because, you know, there are other pipelines. There are other things that, you know, there are other things that can happen. You know, we have one of the major waterways in shipping centers in the world, you know, right passing, you know, a couple hundred yards from my office, you know, in the St. Lawrence Seaway. We have, you know, railways, we have highways, you know, bridges. There's a lot of major infrastructure that's passing through Gunawaga. And, you know, so all these environmental issues, they're all interconnected. And, you know, and you know, if it's not the Dakota Access Pipeline, you know, today that's going to affect us, you know, then there's the Energy East Pipeline that's coming through here and that could have a potential adverse effect on the waters here. So, you know, it's you know, it's all connected. Thank you so much. This yeah, no is problem. The end of my questions, but I really appreciate your point of view, and thanks for taking the time to answer all this. Yeah, no problem. Bye, and have a nice day. You too. Yeah, bye. Merci beaucoup pour cette interview encore une fois. C'était une perspective très intéressante sur une manière différente dont les médias, dans ce cas-là indigènes et locaux à la communauté de Kaniwaki, traitent de leur propre manière les enjeux environnementaux. Et j'ai choisi d'interviewer Greg Horn, qui malheureusement parlait seulement en anglais. Je sais qu'en profondeur, on préfère avoir une perspective française, mais bon, ça valait le coup quand même. Oui, c'est donc pour avoir une autre perspective, pas seulement parler des médias québécois. Donc vous écoutez CKUT 90.3, et pour plus d'informations ou pour vous joindre au collectif de nouvelles, vous pouvez nous contacter par téléphone au 514-448-4041 ou par courriel à ckutnews.ca. Il est 17h36 et 3 secondes. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et @CKUTNews. Voilà. Bonjour, ici Thomas Jensen. Vous écoutez CKUT au 90.3 FM. Donc on aurait dû écouter un documentaire, mais malheureusement le fichier ne marche pas, donc je vais vous présenter quelque chose qui n'a pas pu être on air la semaine passée et qui est en relation avec le thème de la journée. Donc la semaine passée, j'ai eu la chance d'aller à un événement de lancement d'un livre de François Audet. François Audet, qui est directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et actions humanitaires, qui s'appelle LOCA, et qui a publié son livre, qui est qui s'appelle Nouvelles humanitaires. Et c'est un recueil de nouvelles sous la direction de François Audet, qui donne une parole, en fait, à ces personnes de l'ombre qui n'ont pas forcément toujours leur part dans l'histoire des crises humanitaires. Donc, c'est les personnes qui interviennent et qui viennent souvent de l'étranger et viennent traiter ces conflits et catastrophes naturelles. Et l'objectif de cet ouvrage, c'est vraiment de donner une voix à ces différentes personnes qui travaillent sur le terrain. Et donc c'est une recollection de plusieurs perspectives et qui traite vraiment aussi de la tension qu'il y a dans le travail d'un humanitaire entre d'un côté l'idée qu'on côtoie la mort au quotidien et l'horreur dans une pauvreté sans nom. Et d'un autre côté aussi, de voir cette dualité avec devoir être aussi assister à tous ces cocktails quand on rentre chez soi et puis avoir une vie d'occidentaux pour la plupart des cas quand on parle de personnes qui viennent de l'étranger pour aller sur des crises internationales. Et donc c'était un événement assez intéressant, surtout du fait qu'il représentait bien un peu la tension. Moi, je suis arrivée en rentrant de mon travail, donc avec mon vélo et il pleuvait ce jour-là. Donc vraiment complètement dégueulasse, avec de la boue partout. Et je me suis retrouvée à cet événement soi-disant humanitaire où tout le monde était habillé en cocktail dress party. Et je me suis sentie vraiment mal à l'aise alors que c'était un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Et je me considère pas non plus comme socialement défavorisée ou quoi que ce soit, mais ça montrait vraiment, c'était bizarre en fait de voir sur les murs des photos de gens vraiment en situation de détresse et puis de se voir servir un verre de champagne ou de vin blanc. Bref, tout ça c'est weird. Et puis je vais laisser la parole donc à François Audet, c'est un pré-enregistrement. Et on a abordé ces tensions, donc il y a deux segments. Et donc je vais lancer le premier. De toute l'équipe des Malins, je voudrais remercier mon frère François, qui après avoir essuyé un refus de la part de Gallimard, Kevin Cuéry, Plon, Lemayac, VLV Éditeur. Donc là, on peut entendre les petits rires très un peu bourgeois, mais bon, ça met bien dans l'ambiance. Il sera mieux pour moi vous dire que ces 11 histoires vous bouleverseront, que vous sentirez parfois le sel du désert ou de la mer sur votre peau, que vous rirez souvent et vous voyagerez à travers 11 regards et 11 talents qui m'ont personnellement bien impressionné. Je cède la parole à mon frère François. Alors bonsoir, vous l'avez compris, mon frère est mon éditeur est mon frère. Il n'y avait que lui pour faire cette introduction-là. Je le remercie beaucoup en son nom, de la maison d'édition Les Malins, Margot, Moss, Chauvet et compagnie. C'est un ouvrage incroyable, sérieusement. En contenu et en contenant, c'est un magnifique objet. Et aussi, évidemment, à l'intérieur, il y a de magnifiques histoires. J'y reviens dans quelques instants. Mon frère m'a dit d'être bref parce que quand vous m'écoutez, vous n'achetez pas de livres. Donc, je vais être très, très bref. C'est vraiment ça que je veux dire. Qu'est-ce que nous dit cet ouvrage-là, honnêtement? Puis je ne veux pas en faire. C'est pas un show personnel. C'est ni même un show de nous 11. C'est une présentation très sobre de l'humanité, essentiellement. Des personnes qui ont des choses à raconter. Et qui disent que finalement les héros, c'est pas ceux qui ont la chance d'avoir des billets d'avion dans leur poche puis de partir quand c'est fini ou quand on est fatigué, mais c'est surtout les vrais héros, c'est ceux qui sont malheureusement là à temps plein, qui n'ont pas la capacité de revenir, dont leurs droits humains sont violés quotidiennement. C'est nos amis syriens qui sont encore en Syrie, c'est nos amis haïtiens qui sont encore en Haïti. Bref, la liste est longue, vous comprenez le message. J'aimerais souligner aussi, je sais pas s'ils sont arrivés, ils devaient y être, la famille Chabot. Je ne sais pas, ils devaient être ici, Marc-Henri. Ils se manifestent pas s'ils sont pas là. Bref, la famille Chabot, c'est la gentille famille syrienne que la famille de mon frère et moi, on a accueilli cette année. Et ce sont eux les vrais héros qui sont arrivés ici en février dernier, en pleine tempête de neige, avec 5 valises. Et ils ont tout recommencé à zéro. Ils ont tout mon respect. C'est vraiment eux, les vrais héros. Ce que ça dit, deux choses rapidement, avant de vous laisser reprendre votre verre de vin et acheter des livres, c'est... ça dit que la communauté de pratique humanitaire est une communauté de professionnels. Il faut clairement distinguer l'amateurisme des professionnels. Il faut le redire. À chaque fois qu'il y a une catastrophe ou un conflit, on critique l'humanitaire. Et même si moi-même, je le fais aussi, par ailleurs, des fois à Radio-Canada, je m'en confesse, les humanitaires sont des professionnels qui, s'ils n'existaient pas, on ferait pitié sur la Terre encore plus que maintenant. Et une dernière chose aussi que ce livre-là dit, et Joanne Liu devait peut-être passer ce soir, elle ne m'a pas encore répondu, ça m'aurait fait plaisir qu'elle soit là, puis je ne dis pas pour faire du name-dropping. Joanne est la présidente de Médecins sans frontières, qui est à Montréal, elle est arrivée en avion cet après-midi. Et qu'est-ce qu'elle fait, Joanne, dans son quotidien? C'est qu'elle lutte contre l'indifférence. Alors, cet ouvrage-là aussi se veut une porte, une fenêtre, une vitrine sur ce qui se passe à travers le monde. On vit dans un monde extrêmement aseptisé ici au Canada, au Québec. Alors, on a la chance... Voyez-vous, on confirme ça. On a la chance de vivre dans une situation extrêmement, extrêmement confortable. Et ce livre-là va vous montrer à quel point le monde il est inconfortable et qu'il faut rester solidaire avec le reste de la planète. Merci beaucoup. Bon, ben, je pense que ça a donné un assez bon aperçu de toutes les thématiques que je soulevais tout à l'heure. Mais j'ai eu la chance après... de nombreuses minutes de struggle, de réussir à avoir un moment avec François Audet pour essayer un peu de comprendre comment est-ce que lui vivait cette dualité entre qui est typique à l'humanitaire et dont il a un peu parlé, de fait d'être à moitié les pieds dans la boue et à moitié les pieds à une cocktail party. Et c'est vrai que c'était assez difficile d'avoir cette interview, donc j'étais assez contente. Et puis ça tombe bien qu'on ait quelques minutes en plus sur En profondeur cette semaine, parce que j'ai dû faire ma petite souris insistante, mais ça a donné quelque chose d'assez intéressant. Donc je vous ai, c'était pas croyable, super. Merci. Est-ce que vous pourriez vous présenter très rapidement? Oui, François Audet, je suis professeur à l'École des sciences de gestion de l'UQAM et je suis aussi auteur de nouvelles humanitaires. Ma première question, ce serait, pourquoi est-ce que vous avez choisi le format des nouvelles? Parce que je ne voulais pas m'auto-proclamer un porte-parole unilatéral de la communauté humanitaire, donc je voulais que ce soit un projet collectif, qu'on soit plusieurs à partager et à exprimer des idées, des histoires vécues. Alors, je pense que ça donne beaucoup de richesse à l'ouvrage. Même si on a tous beaucoup d'histoires à raconter, on en avait tous au moins une intéressante. Et je pense que ça donne le meilleur cru de plusieurs grands crus, finalement. Et un des thèmes principaux de cet ouvrage, c'est vraiment un peu une espèce de dissonance entre le monde de l'humanitaire et la réalité qu'il y a sur le terrain. Qu'est-ce que vous en pensez de ça en vue de ce genre d'événement où on organise, où il y a comme du vin, des personnes qui sont bien habillées, puis on parle d'humanitaire avec des photos de personnes qui pleurent sur les murs, et ça vous fait quoi comme sentiment? C'est intéressant, vous avez raison de le mentionner. Évidemment, on est à Montréal, on pourrait faire ça et geler dehors par sympathie. Alors non, je pense que l'idée, c'est pas ça du tout. Je pense que l'idée, c'est d'être déjà conscient de cette démarche-là, d'avoir une... J'apprécie beaucoup la question, et quand on a préparé l'ouvrage par souci d'éthique, on a vraiment pensé de la meilleure manière de proposer justement un projet qui soit pas néocolonial, qui soit pas qui aborde pas les questions de manière marketing ou de etc. de levée de fonds. L'objet du livre, c'est de vraiment de présenter des histoires humaines et oui, évidemment, au bout du compte, ben on vit où on vit. Là, on est à Montréal, alors on fait avec la réalité de nos infrastructures et de notre réalité à nous. Mais je pense et j'espère en tout cas que ceux qui liront le livre auront des frissons et ressentiront la tragédie humaine et seront plus solidaires, parce que c'est ça l'objectif de l'ouvrage. Donc, voilà. Ouais, et au-delà de l'ouvrage, vous, dans votre vie personnelle, comment est-ce que vous vivez cette espèce de dichotomie entre un jour avoir un petit papillon autour du cou, puis l'autre jour être sur le terrain? Ben, c'est le monde de la... Ah, c'est une question intéressante. C'est le monde de la... Je pense que ça fait partie de la réalité du monde d'aujourd'hui. Vous m'avez vu là avec les gens de Amis de la Santé. C'est trois amis d'Haïti avec qui j'étais encore il y a quelques semaines en Haïti avec eux, qui eux aussi portent une cravate, bon, etc. Il y a des modèles de vie qui vont ensemble. Alors, je pense que ce qui est important, c'est pas tant la manière dont on s'habille ou ce qu'on va manger. Ce qui est important, c'est les liens à l'extérieur des frontières économiques, à l'extérieur des frontières et des constructions sociales, puis d'être solidaire malgré de là où on vit et des ressources qu'on a, finalement. Et dans cet ouvrage, il y a une image dans un des textes ou une des nouvelles qui vous a marqué le plus, ce serait quoi ? Écoutez, je veux pas faire de politique sur une préférence, mais je vais quand même en faire une. Je vous dirais que le texte d'Alice Corbet, justement, qui parle des camps de personnes déplacées en Haïti suite au tremblement de terre, est un texte qui m'a fait pleurer sur la tragédie humaine. Voilà. Okay. Et ma dernière question, c'est quoi les next steps pour vous? Ben, le next step pour moi, déjà, c'est de pouvoir partager ce message-là au-delà du livre et de pouvoir partager cette solidarité-là. Parce qu'en fait, le next step pour moi, je vais vous le dire, c'est de conscientiser la population à ces enjeux de problématiques de pauvreté et aux enjeux de solidarité internationale. Et pour faire ça, ben, ça prend des événements comme ça. Donc, mon next step, c'est de continuer justement d'avoir des messages de cette nature-là pour essayer de sensibiliser la population. Puis c'est ce que je fais depuis que je suis revenu. Parce que maintenant, je suis moins un travailleur humanitaire, je suis un professeur d'université. Alors, c'est d'avoir une approche critique et pédagogique sur ce qui se passe à travers le monde. OK, 1, 2, 3, je vous retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup, François, pour cette perspective intéressante d'une personne qui, comme Justine tout à l'heure, à qui on parlait, a beaucoup d'expérience sur le terrain et voit la réalité humanitaire et aussi environnementale plus haut tellement au jour le jour, mais bon, il l'a vu quand même un peu dans sa vie. Donc on a un petit peu divergé sur cette émission d'En profondeur, mais si on peut retenir quelques images, quelques thèmes importants. Avec Justine, on a pu parler tout à l'heure de la manière dont les médias québécois portray les issues, les issues environnementales et humanitaires et ont tendance à sous-représenter ou bien alors à dramatiser ou à l'inverse à essayer de sexifier l'information environnementale, donc des dynamiques et des sources de discussion très intéressantes. Et avec Greg Horn, qui est éditeur du journal local Kaniwaki, on a pu parler de la manière dont ce groupe spécifique de Nouvelles Nations traite l'information environnementale et quelle importance est-ce que ça a pour eux spécifiquement et quelle approche est-ce que ça s'ensuit. Et dans cette interview avec François et son livre de nouvelles humanitaires, on a pu voir un peu les tensions auxquelles les travailleurs humanitaires font face et comment est-ce que les personnes peuvent deal with it. Donc c'est tout pour cette édition d'En profondeur. Je vous remercie d'avoir passé cette heure avec moi. Il est 5h52 et je rappelle que cette émission est produite par le collectif de nouvelles montréalaises avec l'aide du McGill Daily et SSMU. Et l'émission d'aujourd'hui a été animée par moi, Chloé, et je vais vous laisser avec une dernière musique qui devrait bien sum up tout ce qu'on vient de dire là. Ça s'appelle Tree Song de René Aubry. Et puis, si vous voulez regarder la vidéo sur YouTube, c'est très drôle. C'est des arbres qui dansent. Donc, un peu une célébration positive de l'environnement. Ce qui fait du bien, ce qui fait du bien parfois. En plus, c'est une musique douce. D'informations à ce propos, ou bien pour décider de faire du volontariat avec le collectif de Nouvelles CKUT, produit pour et par la communauté montréalaise, contactez le département des nouvelles de CKUT au 514-448-4041 au poste 6788 ou par courriel à news@ckut.ca. En profondeur reviendra lundi prochain et dans un instant, on aura la chance d'entendre Queer Core pour, sur les ondes. Donc on vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Et puisqu'on y est, bah, on va écouter une autre chanson de René Aubry, pourquoi pas? Ou alors non, meilleure idée, je vais mettre notre très agréable thème de Of the Hour. Donc je vous laisse avec ça. There is this thing. Do you realize what is? There is this thing. Do you realize consciousness is affected? There is this thing on. There is this thing going on. Do you realize our consciousness is affected? There is this thing going on. What is called the news? I'm brought to you live.